Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, Frédéric Bach, le grand maître du cinéma d'animation. En animation, ce qui est intéressant, c'est que les gens sont captés un peu par le mouvement, en fait, et par les sons qui arrivent dans les films d'animation. Et je voulais utiliser enfin ce langage qui est extrêmement prenant pour essayer de sensibiliser le spectateur à des problèmes qui me semblent être à la base de nous agissons envers la nature et en particulier contre les animaux en fait qui ne sont plus en mesure de résister à tous les assauts en fait. Frédéric Bach à l'émission La vie quotidienne en mars 1981. Ce que vous venez d'entendre résume parfaitement l'idée que se faisait Frédéric Bach du cinéma. Le cinéma comme moyen de sensibiliser le spectateur à des causes importantes et toute l'œuvre de Frédéric Bach va tourner autour d'une grande cause, la survie de la planète et des hommes et des femmes qui l'habitent. Arrivé à l'endroit où il désirait aller, il se mit à planter sa tringle de fer dans la terre. Il faisait ainsi un trou dans lequel il mettait un gland, puis il rebouchait le trou. Il plantait des chênes. The winner is the man who planted trees. Frédéric Bach, producer. I thank the Academy in name of Société Radio-Canada and the CBC, and I'm grateful to Jean Giono for his strong message and to Philippe Noiret and Christopher Plummer who said it so well. Salut au beau Québec. Merci Guylaine, merci les enfants, merci à tous. Thanks to you all. Au revoir. For 3 years, he had been planting trees in that desolate country. He had planted 100,000. Of the 100,000, 20,000 had come up. Le film de Frédéric Bach, L'homme qui plantait des arbres, va faire le tour du monde et sera traduit dans de très, très nombreuses langues, en plus de valoir à son réalisateur l'Oscar du meilleur film d'animation en 1988. Pour nous présenter l'œuvre, le parcours exceptionnel de Frédéric Bach, je reçois Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à notre radio et à notre télé, ami de l'émission. Michel Coulombe, bonjour. Bonjour, Jacques. Avant de parler de cet incroyable parcours, de cette carrière fabuleuse de Frédéric Bach, parlez-moi un peu de l'homme, cet homme que vous avez connu. Quel genre d'homme était Frédéric Bach? Un homme très discret, qui ne se mettait pas de l'avant, qui en apparence était très fragile, mais aussi très déterminé. Il y a les choses qui lui paraissaient correctes et puis il y a celles qu'il n'acceptait pas. Dans ce cas-là, il était intraitable. Par exemple, puisqu'il défendait l'environnement, les animaux, la paix, toutes ces causes-là auxquelles il a été associé de toutes sortes de façons, parce qu'il a offert ses dessins à plein d'organismes, d'associations, ben, il écrivait à répétition des lettres au premier ministre du Québec comme du Canada pour dire « ça, c'est inacceptable ». Donc, un homme déterminé. Ben, il a compris que la célébrité, la notoriété lui permettait effectivement d'avoir accès directement aux gens de pouvoir et il avait des idées. Il se disait que ce travail qu'il avait fait d'animateur lui donnait accès, effectivement, à tout ce monde-là. Et ça donnait un sens à son art. Oui. Y a des artistes qui font des œuvres qui sont belles, qu'on pourrait dire futiles, parce qu'elles sont strictement graphiques, artistiques et tout. Lui, il y avait un message. Oui. Et ça comptait toujours. Beaucoup pour lui. L'exaltation de l'enfance, la présence des autochtones, oui. La défense de l'environnement, de la nature en général, tout ça comptait beaucoup pour lui. Oui. Une des choses qu'il a faites, qui est un petit peu à l'extérieur de son parcours, parce qu'on le connaît surtout comme animateur, comme environnementaliste, mais il a fait une murale à la Place des Arts, puisqu'on parle de l'homme, qui est assez aussi représentatif de ce qu'il était profondément. Oui, on est dans les années 60 et on lui demande une verrière. Il en a fait quelques-unes pour des églises, par exemple, à cette période-là, pour le métro, la station de métro Place des Arts, et on lui nomme quelques artistes. Il y avait Emma Albany, hein, c'est un petit groupe d'artistes du monde lyrique ou de la musique qui auraient pu faire partie de cette murale, en fait, qui devait être représentée. Et lui, il dit non. Non. Ça, c'est trop... c'est vraiment mettre l'accent sur des personnes, aller vers le culte de la célébrité. Ouais. Moi, je pense qu'il faut représenter la musique. Et là, tout à fait dans l'esprit de ce qui sera tout son travail, il se lance dans une grande recherche sur l'histoire de la musique. Il y ajoute les Autochtones et il s'assure effectivement que le portrait soit global et pas à la gloire de quelques personnes. Ouais. Avec un grand talent et à la fin, une grande insatisfaction, car c'était aussi sa nature de dire « Ouais, ben j'ai fait de mon mieux, c'était pas, ça aurait pu quand ouais. même. » Donc, et une œuvre qui reste là parce qu'elle est lumineuse, elle est splendide et elle dit quelque chose, effectivement, de l'histoire du Québec auquel il était très attaché, le Québec. Revenons à son travail au cinéma d'animation. Quelle place il occupe dans l'histoire du cinéma d'animation, Michel Coulombe? On a fait ensemble, par exemple, une émission sur Norman McLaren. Comment on peut comparer les deux hommes, Frédéric Back et Norman McLaren? Ce sont les deux grands géants de l'animation ici. L'un, McLaren à l'ONF, l'autre, Back, à Radio-Canada. McLaren était un homme d'expérimentation. Frédéric Back fera quelque chose de plus traditionnel. Mais dans traditionnel, il y a quand même sa technique à lui qu'il a développée avec les années, c'est-à-dire des crayons Prismacolor, donc un truc très traditionnel ouais. en termes de technique, sur du verre dépoli, sur des acétates dépolis, en fait. Et il va, là-dessus, pouvoir faire des dessins qui sont précis, mais qui permettent aussi une exécution rapide, parce qu'il fallait produire dans un cadre très rapide. Il était à Radio-Canada, et donc il y avait des échéances de diffusion ouais. très souvent. Et donc là, il va développer quelque chose de très personnel, mais d'intemporel. Donc, en ce sens-là, il est très différent de McLaren, qui, lui, va essayer une chose, une autre, dans l'abstraction, sans volonté de message. Chez Frédéric Back, effectivement, l'esthétique compte moins que le sens des œuvres. Parle un petit peu de ses racines, parce que, bon, il arrive au Canada en 1948, mais il naît en Alsace. Famille d'artistes, on peut dire ça, je pense, Michel? Son père était timbalier, sa mère dessinait. Il a vécu, donc, au départ, à la frontière de l'Allemagne et de la France, parce que c'est un territoire, la Sarre, qui a été d'un pays et de l'autre. Et il va, très jeune, commencer à dessiner sur les trottoirs de Strasbourg des processions d'animaux. Il y avait peu de papier. Donc, il servait de la craie et il dessinait comme ça des processions d'animaux. Il faisait un peu d'argent, il s'achetait de la craie, il poursuivait son œuvre. Et avec le temps, il va, bon, puisque son père va déménager, s'installer à Paris, faire partie de l'orchestre de Paris, il va tranquillement apprendre son art, ouais. Ce qu'il fera véritablement à Rennes, puisque pendant la Deuxième Guerre, l'orchestre de Paris va s'installer dans cette région. Et donc là, il va rencontrer son maître, Mathurin Méheux, auquel il rendra hommage toute sa vie. Parce que cet homme-là avait le souci, effectivement, de la qualité, du détail, de l'observation, et va lui permettre, effectivement, de peaufiner son travail, d'être aussi exigeant qu'il le sera par la suite. Ouais. Et puis, tranquillement, il découvrira l'œuvre de Clarence Gagnon, donc un artiste d'ici, ce qui l'amènera plus tard, d'ailleurs, à aller dans Charlevoix, sur les traces de Clarence Gagnon. Il ira Jack London, il se dira, tiens, ah bon. Canada, ce serait bien. Donc, il y a déjà un intérêt pour le Canada, oui. pour lui. Et puis, grâce à l'association Québec-Normandie, ben, il va avoir une correspondante. Et ils vont correspondre pendant 2 ans. Il va donc s'installer au Canada en 1948. Enfin, il vient la voir. Au bout de 3 jours, il la demande en mariage. s'installe dans sa famille. Elle ne dit pas oui tout de suite. C'est donc Guylaine Paquin qui, à la fin de sa vie, quand elle parlait avec lui en sa présence là, de l'œuvre de Frédéric, disait « nous ». Nous avons fait ceci. Nous avons fait cela. Il ne la contredisait pas. C'est effectivement ensemble qu'ils ont imaginé porter tout son travail. Et donc, il sera d'abord ici garçon de ferme. Parce qu'on ne voulait pas d'artistes au moment où ils songeaient à l'immigration. Ouais. On disait, les artistes, on ne sait pas, mais ouais. bon, les cultivateurs, tout ça, ça pourrait aller. Et il demandait donc aux gens qui l'embauchaient, ça ne durera pas très longtemps, parce qu'il s'intéressait à la paysannerie déjà dans son pays d'origine. Donc, il leur demandait s'ils ne pouvaient pas avoir 2 heures par jour pour dessiner. Ce qu'il fera beaucoup, il fera vraiment le tour du Québec, la Gaspésie à une certaine période, ouais. beaucoup la région de Montréal, à bicyclette pour observer, dessiner. Et donc, il y aura ce dessin-là qui sera le moteur de son rapport au territoire. Ouais. Et puis, il se retrouve à Radio-Canada en 1952. Ça, c'est assez fascinant parce que probablement qu'il y a plein d'auditeurs qui nous écoutent, Michel Coulombe, mais qui ont l'impression que Frédéric Back a fait sa carrière à l'ONF. Non, à Radio-Canada. Pourquoi? Pourquoi Radio-Canada? En fait, des gens du monde entier pensent qu'il est à l'ONF. À l'ONF, régulièrement, c'est fait féliciter des gens de l'ONF. Donc, bravo pour Frédéric Back et tout, parce que c'est effectivement la grande maison de l'animation. Mais il est arrivé à Radio-Canada en 1952 comme lettreur. Parce qu'il fallait faire les génériques à la main, c'est bien avant les ordinateurs, et donc on avait besoin de gens pour faire tout simplement réalisé par, ouais, avec un tel et tout. Il ajoutait des dessins. Et donc, on lui a dit, parce qu'il s'ennuyait un peu. Peut-être que le lettreur, finalement, c'est pas pour vous. Et on l'a amené aux arts graphiques. Là, il va faire des décors, faire des dessins, faire toutes sortes de choses et devenir une vedette. Ouais. Parce qu'une émission populaire du début des années 50, donc Le Nez de Cléopâtre, avait un caricaturiste attitré, donc qui faisait des caricatures en direct. C'était Robert Lapalme. Il va le remplacer et donc devenir ce personnage. Oh. Une chose qu'il va faire pendant quelques années, parce qu'il va reprendre ce rôle-là de dessinateur en direct avec l'émission Le Grenier aux images, au Couche-Tard, plus tard. Donc, il sera un personnage comme ça de la télévision qui vient dessiner et qui fait des recherches en se disant, tiens, comment je pourrais créer du mouvement là-dedans? Ouais, et petit à petit, donc, il va arriver à réaliser son rêve, vraiment faire du cinéma d'animation. Notre fille Suzelle était revenue un jour de l'école en disant « Ah, oh, j'ai une idée fantastique pour une chaise berçante. » Puis Guylaine avait regardé son travail, elle avait trouvé intéressant, mais elle avait parlé. Puis cette idée de l'histoire de chaise berçante qui était utilisée par tous les enfants de la maison, qui était souvent brisée, réparée, repeinte de toutes sortes de couleurs, c'était quelque chose qui paraissait intéressant et qui est toujours resté un petit peu en arrière. C'est un peu un amalgame de tous les souvenirs de Guylaine, des enfants, de la parenté, des amis, des souvenirs de jeunesse que j'ai ramassés pour faire une histoire avec cette chaise berçante. C'est pour illustrer aussi, en fait, l'évolution un petit peu trop rapide, montrer encore les valeurs de la vie traditionnelle. En fait, cette vie traditionnelle avait des difficultés, et, enfin des envers, mais elle avait aussi une valeur, enfin, constituait une société qui avait une certaine homogénéité. Frédéric Bach à l'émission Le Point en décembre 1987. On vient d'entendre un extrait du film Crack, Michel Coulomb. C'est vraiment le film du déclic pour lui. Son premier Oscar, c'est avec Crack qu'il va le remporter. Ce film-là, j'apprenais ça en préparant l'émission, a été sacré 6e meilleur film animé de tous les temps par l'Olympiad of Animation de Los Angeles en 1984. Pourquoi c'est un si grand film? Parce qu'il synthétise effectivement une société autour d'une idée toute simple. Et ce qui aurait pu ne parler qu'à des Québécois, parce que c'est l'histoire du Québec, on entend le rêve du diable, la très belle musique de Normand Roger, s'est avéré universel. Parce qu'il y a ça dans toutes les sociétés, une transformation, des traditions, un monde qui se révèle. Et parce qu'il avait cette grande intelligence de récupérer toutes sortes de choses. Par exemple, et il y a ça dans plusieurs de ses films, il y a caché là-dedans des hommages à des grands peintres. Un hommage à Lemieux, à Krieghoff, à Walker. Parce que, hop, quelques images comme ça, il y a effectivement ces peintres qui apparaissent. Il savait rendre hommage à ce qu'il y avait autour de lui et il se préoccupait d'une société en transformation qui n'allait pas toujours vers le meilleur. Ouais. Il était très méfiant à l'égard du progrès, l'avidité, vraiment l'appât du gain. Tout ça fait disparaître des choses auquel lui était très attaché, cette paysannerie dont je parlais plus tôt, le monde des traditions, le Québec qu'il avait adopté, qu'il connaissait. Et qu'il aimait. Mais ça valait pour des tas d'autres pays, cette réflexion. Les chênes de 1910 avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole. Et comme lui ne parlait pas, nous passâmes tout le jour en silence à nous promener dans sa forêt. Le personnage lui-même ressemble à un oncle que j'aimais bien, qui était cultivateur en Alsace. Et ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de gens qui avaient fait le même travail qu'Elzéar Bouffier ont été réconfortés en entendant cette histoire par la suite. En fait, si au moment où ils ont fait ce travail, ils passaient pour des farfelus ou des gens un petit peu bizarre, une fois que l'histoire de l'homme qui plantait des arbres est devenue populaire, a été connue grâce à la télévision, là on a reconnu ce qu'ils avaient fait en réalité. Ils étaient comme des gens qui avaient compris à l'avance ce qu'il fallait faire. Ils étaient des précurseurs. Frédéric Bach à l'émission Hommage à Frédéric Bach, diffusée en juillet 1995. Avec L'homme qui plantait des arbres, Frédéric Bach décroche un deuxième Oscar, Michel Coulombe. Je ne sais pas si c'est son film le plus connu. En tout cas, c'est un film qui est particulier dans sa filmographie. C'est son film le plus connu, c'est celui qui aura le plus de résonance. On plantera à travers le monde des millions d'arbres, littéralement inspirés par l'œuvre de Jeannot, celle de Frédéric Bach. C'est ce qui fera effectivement de lui une sommité en animation, parce que là, il y a une consécration. Et puis, c'est l'envers de ce qu'il avait fait jusque-là. Ouais. Parce que jusque-là, bon, les mots comptaient pas. Là, on s'appuie sur un texte. Jusque-là, il présentait un monde harmonieux qui était détruit. Et cette fois-là, c'est un monde aride, puisqu'il n'y a rien dans cette Provence où est le berger, Elzéar Bouffier, et il y installe la vie. Donc, c'est le chemin contraire. Bon, avec Philippe Noiret, il faut le dire, au départ, ça ne s'était pas très bien passé, parce que la première lecture était sans intention, plutôt neutre, c'était pas ça du tout, Noiret ne le sentait pas, et ils arriveront à ça, il le poussera effectivement vers quelque chose de plus émouvant, qui aura effectivement beaucoup d'impact, parce qu'on entend cette voix, on est porté, ouais. et le travail derrière est colossal, 20 000 dessins. Il faut dire que les intervalles étaient de Lina Gagnon, mais néanmoins, ça veut dire que de sa part, c'en était la moitié. Tout à la main. Oui, et inspiré des impressionnistes, avec ce style inimitable, quelque chose de vraiment très beau, porté par l'inspiration, parce que là, il y avait toutes ses valeurs, il y avait effectivement son amour de la nature et cette création dans laquelle il était déjà engagé, parce que lui-même avait dans les Laurentides sa forêt, qu'il nommera plus tard une forêt Jean Giono. Ce sera l'une des forêts Jean Giono qui se planteront à travers le monde. Au commencement était la glace, un gigantesque manteau de glace pure qui attendait le printemps de la terre. Alors, des cataractes d'eau jaillissent des glaciers et roulent vers l'océan, creusant au nord des Amériques le lit d'un fleuve colossal et l'estuaire le plus vaste de la planète. Saint-Laurent est présent autour de nous, en nous même, enfin, il passe en nous chaque jour, sans que nous y prêtions attention, en fait. Et l'eau potable, enfin, la bonne eau pure, c'est un élément qui est en voie de disparition très rapide. Et justement, il faut avertir, sensibiliser, émouvoir autant que possible pour que les gens s'y intéressent et s'accrochent à cette richesse qui vraiment jusqu'ici transmettait la vie, mais qui de plus en plus est menacée. En fait, il y a tant de cancers que des millions de gens sont menacés de cancer ici et ailleurs. C'est parce que justement la qualité de l'eau est en dégradation très rapide, que des millions d'animaux en meurent chaque jour sans qu'on y prête attention et que nous sommes sur la liste tout de suite après eux. Baleine à bosse, baleine franche, baleine bleue y croisent les dauphins et la tortue géante. Mais aussi les perlans, le saumon, le flétan, le sébaste et des bancs infinis de harengs et de morues. Des morues énormes, les plus grosses qui soient possibles. Frédéric Bach à l'émission Verville en campagne, Moreau en ville en juillet 1993. Le fleuve aux grandes eaux qu'il va réaliser Frédéric Bach en 1993, c'est le dernier film qu'il nous laisse. On a déjà un peu parlé de son grand souci de l'environnement, des animaux. Michel Coulombe, dès le départ, quand il est gamin, il dessine des animaux sur le trottoir, nous disiez-vous. Mais ça va être présent toute sa vie et ça va grandir tout le temps, ce souci qu'il a pour l'environnement. Ben, il joint le geste à la parole parce qu'il va adopter un mammifère du Saint-Laurent avec des employés de Radio Canada, par exemple. Ce film-là est plus didactique et il y avait, il le disait lui-même d'ailleurs, deux pôles. Son producteur, Hubert Tison, voulait qu'on montre la majesté, la splendeur du fleuve. Lui était inquiet, voulait montrer la destruction. Donc il y a ces deux regards-là sur le fleuve qui cohabitent dans le film, où là, vraiment, on nous explique, on nous dit les choses. C'était un homme inquiet. Oui. À l'égard de ses contemporains, un homme révolté aussi, qui cachait pas donc son insatisfaction. Malgré tout, comme toujours, il y a, par exemple, dans ce film, des citations de Seurat ou de Turner. Ouais. Donc, il y a quand même une grande beauté, un souci aussi d'exactitude. Il observait la nature, il faisait des dessins. Et donc, il servait de tout ça, de tout ce qu'il avait accumulé au fil des années. C'est vraiment le film de la maturité. Mais il faut dire que son œuvre d'animation, qui compte en soi, si on parle de ses œuvres personnelles, pas de ses participations, que 9 films, ouais, est une œuvre tardive. Il n'y arrivera qu'à la mi-quarantaine. On a beaucoup parlé de cette préoccupation qu'il a et il se sert, dans l'extrait qu'on vient d'entendre d'ailleurs, on y revenait, hein, émouvoir pour faire comprendre au fond, le même Frédéric Bach qu'on entendait au début de l'émission, se servir de l'art pour dire quelque chose, pour sensibiliser les gens, beaucoup sur l'environnement, mais pas que, Michel Coulombe, un autre thème qui va le suivre, mais vraiment toute sa vie, c'est la question amérindienne. Oui, parce que très tôt, il va s'y intéresser. Il ira en voyage de noces avec sa femme à la fin des années 40 à travers le Canada, vers l'ouest. Il dessinera des totems. Ça va lui rester, cette chose-là. Et il va faire des adaptations donc de 2 légendes autochtones à ses débuts comme cinéaste dans les années 70. Parce que, bon, effectivement, il y avait cette fascination. La présence autochtone sera là tout au long de son œuvre, c'est là dans le Crac, par exemple, c'est là, bien sûr, dans le fleuve aux Grandes Eaux. Il y aura toujours ce souci-là. Et vers la fin de sa vie, quand Jean Lemire lui proposera de faire un film plutôt sur lui, qui deviendra Mémoire de la Terre, il dira non, pourquoi sur moi? Faisons quelque chose sur, effectivement, cette présence autochtone. Et là, il y participera en parlant des Haïdas, qui l'avaient intéressé donc dès la fin des années 40. Parce qu'il voyait chez les gens des Premières Nations quelque chose qui pouvait ressembler à son art, c'est-à-dire quelque chose d'éphémère. Ils ont été là, mais ils n'ont pas toujours laissé de traces. Essayons de parler d'eux et de souligner leur rapport à notre réflexion et à notre société. Il y aura plusieurs grandes rétrospectives qui vont être organisées autour du travail de Frédéric Bach un peu partout au Japon. Entre autres, il fait partie de ces artistes occidentaux qui fascinent les Japonais. Mis à part le Japon, qu'est-ce qu'il nous laisse? Mais parlons du Japon, parce qu'à la toute fin de sa vie, il était vraiment à l'article de la mort. Une équipe de télévision japonaise a débarqué chez lui et tenait à voir le grand maître, même si il parlait très, très faiblement. Et on l'a donc installé, il était couché, on l'a installé dans un fauteuil. On a trouvé une télévision assez grande, la sienne ne l'était pas, pour lui montrer l'homme qui plantait des arbres, le filmer dans cette situation-là. Donc oui, au Japon, une fascination. Aux États-Unis, puisqu'il a été reconnu à Hollywood, nommé 4 fois aux Oscars, mais donc il avait un réseau d'amis là. Il en avait un aussi du côté des Russes, parce qu'effectivement, il y a de grands maîtres de l'animation de ce côté. En France, bien sûr, parce que dès cette affirmation de son intérêt pour Jean Giono, il a réhabilité cette œuvre. L'homme qui plantait des arbres, il l'a ramené à l'avant-plan. Et là, on l'a accueilli maintes fois au Festival de Cannes, au Festival d'Annecy. On lui a fait effectivement de grands hommages. Donc, cette reconnaissance, elle est internationale. Il faut dire, par exemple, dans le cas de L'homme qui plantait des arbres, ça a été vendu à une 50aine de pays. Et c'est des films indémodables que les siens. Donc, certains ont été représentés à répétition, effectivement, dans des rétrospectives, mais aussi sur les chaînes télé. Michel Coulombe, chroniqueur cinéma à notre radio, à notre télévision, ami de l'émission, merci de votre participation. Avec plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.